Première partie. Le prophète Adam. Allah, ton Seigneur, t'a créé toi, tes parents et toutes les créatures de la terre pour une seule chose. Sais-tu laquelle? Il t'a créé pour que tu l'adores. Tu te demandes sûrement, mais comment faire pour adorer Allah? Nous allons te l'expliquer, Inch'Allah. Alors écoute bien ce qui va suivre. Allah a créé les djinns et les hommes dans un seul but, le tawhid, c'est-à-dire adorer Allah seul et ne pratiquer que sa religion, l'islam. Allah dit dans le Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous, ou pour se défendre, ou pour devenir riche. Car Allah, c'est lui le riche, le puissant, celui qui nous donne la nourriture. Alors que lui-même n'a pas besoin de nourriture. Il nous a créés pour son adoration. Tu dois donc aimer Allah de tout ton cœur, mais aussi tu dois le craindre, car il ne faut pas lui désobéir. Alors dis-moi, est-ce que tu aimes Allah? Bien avant toi, et bien avant ton père, et même avant ton grand-père, Allah a créé le premier des hommes. Sais-tu comment il s'appelait? Il s'appelait Adam. Ainsi, Adam est le père de tous les hommes. Allah lui avait donné beaucoup de bienfaits. Par exemple, Allah fit se prosterner tous les anges devant Adam. Puis, Allah le fit habiter au paradis avec sa femme Hawa. Ils y étaient libres et heureux. Ils pouvaient y faire ce qu'ils voulaient. Et ils pouvaient y manger ce qu'ils voulaient. Quel bonheur au paradis! Toi aussi, tu aimerais habiter au paradis? Mais cependant, il y avait une seule chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire au paradis. Il leur était interdit de manger les fruits d'un seul arbre. L'arbre interdit. Allah dit dans le Coran. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse. Et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. À ce moment, arriva le méchant Iblis, qui était un djinn mauvais et orgueilleux, et qui avait désobéi à Allah en refusant de se prosterner devant Adam. As-tu déjà entendu parler des djinns? Les djinns sont des créatures qu'Allah a créées à partir du feu. Ils vivent dans le monde comme les hommes, sauf que nous ne pouvons pas les voir. Donc, le maudit Iblis voulut faire du mal à Adam, car il était jaloux de lui. Iblis conseilla à Adam et Hawa de manger de l'arbre interdit, l'arbre qu'Allah avait interdit de manger. D'après toi, à qui Adam et Hawa doivent-ils obéir? Obéir à Allah ou obéir à Iblis? Obéir à Allah, bien sûr! Mais hélas, comme ils étaient des humains faibles et influençables, Adam et Hawa ont écouté le méchant, le mauvais, le maudit Iblis. Et ils mangèrent de l'arbre interdit. À cause de cette mauvaise action, Allah fit descendre Adam et Hawa du paradis. Et après cela, il leur pardonna. Car Allah est celui qui pardonne, et il est celui qui fait miséricorde à toutes ses créatures. Allah les fit descendre sur terre dans le but qu'ils l'adorent et que tout le monde lui obéisse. Ainsi, c'est sur terre que l'on doit obéir à Allah et l'adorer pour pouvoir aller au paradis, là où on a tout ce que l'on veut et là où on est heureux pour toujours. Et toi, que voudrais-tu en premier quand tu seras au paradis ? Lorsqu'Allah créa Adam, il annonça aux anges qu'il allait envoyer Adam sur terre. As-tu déjà entendu parler des anges ? Les anges sont des créatures que Allah a créées à partir de lumière. Les anges ne font que le bien. Ils obéissent toujours à Allah. Mais quand Allah leur annonça cette nouvelle, les anges eurent peur que les enfants et petits-enfants de Adam désobéissent à Allah et qu'ils fassent le désordre. Allah, qui est celui qui connaît ce que les créatures ne connaissent pas, leur répondit. Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Allah savait que parmi les enfants et petits-enfants de Adam et tous ceux qui vont suivre après, il savait qu'il y aurait parmi eux des prophètes et des messagers, des hommes bons, des hommes qui obéiront à Allah et qui l'adoreront comme il faut. Les enfants et petits-enfants de Adam, c'est-à-dire les premières générations d'hommes, ont obéi à Allah seul et l'ont adoré seul, sans n'adorer autre que lui, comme il leur avait demandé. C'est ce qu'on appelle le Tawhid. Et ceci dura de nombreuses générations. Walhamdulillah.